Les violentes intempéries d'hier et de la nuit dernière en France, 110 000 foyers étaient toujours privés d'électricité en milieu d'après-midi. L'Auvergne-Rhône-Alpes, le centre-Val de Loire et le centre-Limousin ont été particulièrement touchés. Les routes enneigées ont piégé plus de 2 000 véhicules dans le massif central en Corse, où un homme a été gravement blessé. 7 000 clients d'EDF étaient encore privés de courant cet après-midi. Les intempéries ont aussi gravement frappé l'Italie depuis dimanche. La protection civile annonce 10 morts. La consommation de tabac recule en France. 1 million de fumeurs en moins l'an dernier, sauf chez les femmes de 45 à 64 ans, des femmes qui paient désormais un lourd tribut en termes de mortalité liée à la cigarette, selon les organisateurs du mois sans tabac lancé aujourd'hui. L'info revient à 18h sur France Culture avec le journal d'Aurélie Kiefer. 17h02, l'heure de votre série documentaire LSD. Bonne fin de journée. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, à la poursuite des livres manquants, une série d'Élise Gruot réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a les livres qu'on attend, ceux qui ont disparu, d'autres dont on ne connaîtra jamais l'existence, et le souvenir de ce moine qui dévore les pages du manuscrit qu'il exècre. Il y a aussi des quêtes qui sont comme un écho, des aventures d'Indiana Jones et les textes religieux comme des terrains de jeu. Alors pour commencer, les personnages. Des bibliophiles avides, un Sicilien avec des relations, un auteur qui se suicide, Ovide, Aristote et Platon, un médiéviste qui aboie, Robert d'Arbrissel, saint François d'Assise, une conservatrice attentive, un sémiologue avec un ami génial et Sean Connery. Ensuite le décor. La Méditerranée, un empire qui s'effondre, des bibliothèques démantelées, un texte retrouvé, la Renaissance, des monastères comme des coffres-forts, le Moyen-Âge au secours de la Renaissance, un tournant de la pensée, un sommeil de 1000 ans, des déductions, la BNF, des écorces et un best-seller. Aujourd'hui, deuxième épisode, on ouvre un livre. Quand de toutes parts s'ouvre un espace infini, quand les atomes en nombre innombrable et sans bornes voltigent en tous sens d'un mouvement éternel, il n'est nullement vraisemblable de penser que seuls notre terre et notre ciel furent créés et qu'au dehors, tant de corps premiers ne font rien. D'autant plus que ce monde est l'œuvre de la nature et que les atomes d'eux-mêmes et spontanément au gré des rencontres, après toutes sortes d'unions, vagues, stériles et vaines, se groupèrent enfin en ces combinaisons qui toujours forment aussitôt les origines des grandes choses, la terre et la mer, le ciel et tout le genre des êtres animés. Ainsi, tu es forcé d'admettre qu'il existe ailleurs d'autres assemblages de matière semblables à celui qu'étreint jalousement notre ciel. Et comme j'ai dit que rien ne se crée de rien, que nulle créature à rien ne se réduit, il doit donc exister des éléments immortels en lesquels chacune se résout à l'instant suprême pour que la matière suffise à réparer les choses. Lucrèce, poète latin, 1er siècle avant Jésus-Christ. De la nature des choses, des rerum natura. À la poursuite des livres manquants, profession chasseur de livres. Élise Gruot, Anna Schmuck. Le monde est composé d'atomes comme le livre de lettres qui s'assemblent pour former des mots. Rien ne meurt, tout renaît, et le livre disparu ressuscita. Encore fallait-il se mettre sur la piste de ces absents, savoir les dénicher, les déchiffrer, les protéger d'un nouvel oubli ou d'un nouveau bannissement. Quelle est cette promesse que contient le livre et qui fait partir à sa poursuite les plus fins limiers ? Il y a eu au Moyen-Âge, et puis surtout après à la Renaissance, dans ses débuts, une catégorie de bibliophiles mercenaires. Nicolas Ducimetière. Ce que les anglo-saxons appelaient les book hunters, qui sont vraiment des chasseurs de livres. Vice-directeur de la Fondation Martin Bodmer en Suisse. Qui vont partir en mission, hein, il n'y a pas d'autre mot, à travers le bassin méditerranéen pour essayer de grappiller, souvent à la demande de grands mécènes, c'est-à-dire soit de grands bourgeois, de prélats, mais également de princes temporels, comme par exemple les Médicis. Donc, ils sont envoyés à travers le bassin méditerranéen, souvent en direction du Proche-Orient ou des restes, des lambeaux de l'Empire byzantin, afin d'aller donc grappiller ces reliquats de la culture gréco-latine sous forme de manuscrits qu'ils vont collecter dans les bibliothèques de collectionneurs ruinés ou de communautés monastiques qui désirent effectivement se dessaisir de certains exemplaires. Alors, il faut reconnaître que dans certains cas, le dessaisissement est un peu forcé, dans la mesure où on peut avoir des doutes sur la volonté de certaines communautés de se dessaisir de leurs livres, et on peut penser que le chasseur de livres soit à graisser la patte d'un bibliothécaire un peu complaisant, voire dans certains cas à brûler la politesse à ses hôtes en emportant les manuscrits avec lui. Donc il y a eu sans doute ce genre, plus que sans doute, c'est eu ce genre d'histoire, et ils reviennent donc souvent avec des provisions importantes de livres qu'ils vont ramener avec eux depuis donc ces terres lointaines. Certains ont laissé leur nom dans cette enquête si particulière, comme Guarino de Vérone ou Francesco Filelfo. Le plus connu d'entre eux, toutefois, est un certain Giovanni Orispa, qui était un Sicilien, actif donc dans la première moitié du XVe siècle, et qui en fait avait réussi à devenir l'un des proches de l'avant-dernier empereur byzantin, Jean VIII Paléologue, et il avait mené plusieurs moissons d'ouvrages à Constantinople, hein, qui était sur le point de chuter définitivement, et en 1423 notamment, il a ramené de son voyage 238 manuscrits choisis qui contenaient des œuvres de Platon, de Thucydide, de Sophocle, d'Eschyle et surtout de Plotin, qui ont contribué véritablement à, d'une part, sauvegarder ces auteurs, dont la plupart, en fait, étaient sur le point de disparaître, les derniers manuscrits de Constantinople brûlant, en fait, après l'invasion ottomane. Et certains de ces manuscrits sont devenus ce qu'on appelle les manuscrits sources, c'est-à-dire les derniers témoignages qui ont permis ensuite aux premiers imprimeurs et aux premiers humanistes de la seconde moitié du XVe siècle de transmettre à nouveau ces textes par le biais, cette fois-ci, de l'imprimerie. Alors, cet homme, que l'on peut considérer comme un véritable chasseur de manuscrits, Yves Ersan, directeur de recherche émérite de l'EHESS, Poggio Bracciolini, le Poggio, a redécouvert, entre autres, l'institution oratoire de Quintilien, c'est-à-dire l'un des piliers de la rhétorique qui a nourri toute la culture occidentale pendant des siècles, qui la nourrit encore d'ailleurs de manière subreptice. Il a redécouvert des auteurs moins connus peut-être aujourd'hui comme Silius Italicus. Il a redécouvert un texte de Cicéron, comme près d'un siècle avant lui l'avait fait de son côté Pétrarque. Et surtout, il a redécouvert De Rerum Natura de Lucrèce, de la nature des choses ou la nature des choses. Là, en l'occurrence, nous avons le profil d'un de ces préshumanistes du début du XVe siècle, qui lui a été un secrétaire de la curie, réputé pour sa très belle calligraphie. Eh bien, le Poggio de son vrai nom, devient secrétaire de plusieurs papes, hein, il va servir plusieurs papes d'affilée, et c'est en accompagnant l'un d'eux, Jean XXIII, jusqu'au concile de Constance, où d'ailleurs le pauvre va être déposé. Il se retrouve du coup sans emploi, hein, avec son maître tombé en disgrâce, et il va profiter de son séjour du côté du lac de Constance pour écumer les grandes bibliothèques donc du Saint-Empire romain germanique, et donc de ces grandes abbayes qui avaient connu leur heure de gloire justement à l'époque carolingienne. Alors ça pourrait être Saint-Gall, hein, mais ça pourrait être également Fulda. Et c'est justement à Fulda, cette pépinière de manuscrits, que le Poggio va découvrir ce qui à l'époque est considéré comme le seul manuscrit existant du De Natura Rerum de Lucrèce, œuvre capitale en elle-même, mais aussi parce qu'elle apporte de connaissances sur l'épicurisme, sur la philosophie d'Épicure et sur l'atomisme d'une manière générale. Et cet apport va être crucial pour le développement ultérieur de la Renaissance. Je tenais à vous montrer la première édition du De Natura Rerum, c'est-à-dire la première fois que le livre va connaître une impression moderne, ce qui va définitivement assurer sa survie. Et vous voyez ici un ouvrage in folio. Vous prenez dans une boîte en carton un grand volume relié en cuir. Alors il est recouvert de cuir, de maroquin brun. C'est une reliure du 19e siècle, de Gruel. Et ce grand ouvrage in folio, qui était vraiment le format noble, on va dire, hein, réservé aux textes de référence. Donc, comme toujours, aucune page de titre. Hein. On commence directement avec le texte et le titre en haut de la première page. Donc, Titi Lucrezi Cari Poetae Philosophici Antiquitissimi De Rerum Natura Liber Primus Incipit. Voilà, ici commence le livre premier du De Natura Rerum, de la nature des choses, par Titus Lucretius, poète, philosophe très antique. Et vous avez ici donc, avec cette impression extraordinaire, hein, parfaite déjà de la seconde moitié du XVe siècle, nous sommes ici sur un ouvrage qui voit le jour à Vérone en 1486. C'est la deuxième édition de ce texte, avec voilà, les vers de fin, et qui, voilà, on voit ici, vous voyez, le colophon. Paulus m'a imprimé à Vérone, en l'incarnation du Seigneur 1486, le 28e jour de septembre, au calende d'octobre. Il n'y a que deux sortes de corps, les atomes et les composés de ces atomes. L'atome, aucune force ne parvient à le détruire. Son corps solide lui assure enfin la victoire. Yversant, peut-on parler de Renaissance sans évoquer un certain rapport au livre et à l'Antiquité qui est contenu dans le mot même de Renaissance? C'est évidemment impossible. Ce mot qui a donné son nom à toute une époque, mais qu'il a donné tardivement, et seulement au XIXe siècle, ce mot et cette idée de renaître, de renaissance, apparaît dès Pétrarque, fondateur, si l'on peut dire, de la Renaissance, et ce mouvement culturel, cette révolution culturelle, car c'en est une, est absolument indissociable, d'une part du retour à l'Antiquité, et d'autre part, ce qui est lié, indissociable du retour du livre. Les médiévaux connaissaient les principaux auteurs, connaissaient Virgile, connaissaient Cicéron, etc. Mais il y a quantité d'œuvres de ces auteurs qu'ils ne connaissaient pas, qui dormaient dans les monastères. Les monastères ont été des conservateurs, les seuls vrais conservateurs, puisque les bibliothèques avaient disparu ou brûlé, comme celle d'Alexandrie. Les monastères ont été les lieux, avec les scriptoria, comme on les appelait, où étaient recopiés et préserver les manuscrits. Sans les monastères, nous n'aurions pas de Renaissance. Et non seulement les monastères et les moines ont permis cette transmission, en recopiant ce qui s'usait, mais les moines avaient obligation de savoir lire. Dans une époque, entre 5e et 8e siècle, et ensuite un peu encore, où les analphabètes étaient très largement majoritaires. Donc, préserver matériellement les textes, les recopier, et rendre obligatoire la lecture pour une catégorie de la population, c'était la condition sine qua non pour que ces fantômes de textes puissent revenir à la vie, et de mort devenir vivants. Et à la Renaissance, on a redécouvert non seulement certaines œuvres de ces auteurs déjà connus, mais on a découvert ou redécouvert des textes auxquels il n'était guère fait qu'allusion à l'époque médiévale. Il y a une transformation profonde de la vision du monde, et cette transformation est largement due à la redécouverte de livres anciens. Rien, en effet, ne s'est formé dans le corps pour notre usage. Mais ce qui s'est formé, on en use. Aucune faculté de voir n'exista avant la constitution des yeux. Aucune parole avant la création de la langue. Ce texte de Lucrèce est capital à bien des égards, parce qu'il transmet avec un lyrisme époustouflant, car c'est un grand poète, la tradition épicurienne. En gros, schématiquement, disons que cette tradition, qui est celle de l'atomisme antique, celle de Démocrite, est d'une importance capitale pour la pensée européenne, parce que c'est une pensée matérialiste. Ce n'est pas exactement une pensée athée. Lucrèce croyait à l'existence des dieux, mais il les considérait comme appartenant à un autre monde. Il n'était pas athée, il était indifférent aux dieux. Les dieux sont là, mais ils se moquent de nous, et nous devrions nous moquer d'eux. Chacun doit mener sa vie parallèle. La vie des dieux est éternelle, la vie des hommes, elle, est transitoire. Et Lucrèce a introduit l'idée que tout se transforme à tout instant par le jeu de la combinaison, recomposition des atomes, lesquels sont indestructibles. Il ne dit pas atomes d'ailleurs, il dit les semences. Mais nous disons atomes, petites particules qui circulent dans un univers infini, dans un espace et un vide infini, et qui, selon leur déclinaison, selon leur sympathie et leur antipathie mutuelle, s'accrochent, se décrochent et composent tous les corps, les fourmis, les hommes, les astres. Beaucoup d'espèces durent périr sans avoir pu se reproduire et laisser une descendance. Toutes celles que tu vois respirer. Cette idée d'une transformation perpétuelle dans un monde infini est une des idées les plus vertigineuses, bien sûr, que la pensée humaine ait jamais conçue. Voilà l'importance de cette tradition à laquelle, évidemment, s'est opposé plus ou moins violemment, le christianisme. Ces deux traditions sont incompatibles. Et lorsque Le Poge redécouvre ce texte, en 1417, dans une abbaye en Allemagne, il n'a peut-être pas l'idée de l'importance de sa découverte. Un paradoxe ici doit être signalé. Le Poge est un chrétien, il a gardé une foi chrétienne, il a travaillé pour l'Église toute sa vie, et le paradoxe est qu'il est celui qui a redécouvert l'un des textes les plus antichrétiens que l'on puisse imaginer. Je veux dire le plus incompatible, bien sûr, avec le christianisme que l'on puisse imaginer. Toutes celles que tu vois respirer l'air vivifiant, c'est la ruse ou la force, ou enfin la vitesse, qui dès l'origine les a défendues et conservées. Cette aventure a fait l'objet d'un ouvrage qui a été très remarqué et qui a connu un grand succès public, signé par un journaliste, Stephen Greenblatt, qui s'appelle Quattrocento, et qui, pour la première fois, venait étudier la redécouverte d'un manuscrit comme étant l'un des points tournants de l'histoire de la pensée occidentale. C'est-à-dire comment, en redécouvrant un texte oublié, eh bien, ce texte va nourrir la pensée de la Renaissance et faire évoluer finalement notre société contemporaine. Donc, évidemment, il y a un parti pris favorable en direction du Poge et du De Natura Rerum, mais c'est vrai que ce livre, qui s'appelle Quattrocento, a reçu le très prestigieux prix Pulitzer, et c'est assez étonnant de voir ce prix attribué généralement à une action de journalisme être ici attribué à une enquête sur une enquête, c'est-à-dire sur cette quête des livres oubliés, des livres disparus. Après, il a été condamné aussi, ce texte de Lucrèce, par l'Église catholique. Bien sûr, oui, tout à fait. Les redécouvertes de ce type n'étaient pas sans provoquer quelques remous, quelques heurts, et dans un premier temps font grincer pas mal de dents. La mort n'est donc rien pour nous, et ne nous touche en rien, puisque la nature de l'âme apparaît comme mortelle. Ce texte qui était, disons, méconnu, mal connu, insuffisamment connu, a pu, grâce au Poge, être beaucoup plus largement diffusé, au moins pendant un certain temps, après avoir dormi pendant 1000 ans dans une abbaye. Et avant de connaître d'autres ennuis, puisque un siècle plus tard, à peu près, en 1516, l'Église en a interdit, sans le mettre à l'index tout de suite d'ailleurs, en a interdit la diffusion et l'étude. Et pourquoi ce texte de Lucrèce était-il si incompatible avec la morale chrétienne ? Pas seulement avec la morale, avec les dogmes fondamentaux du christianisme. Parce que pour Lucrèce, le monde est composé d'atomes, tout est fait d'atomes, y compris l'âme. Et ces atomes connaissent des structurations et des déstructurations incessantes. Il n'y a pas de créateur du monde, il n'y a pas un moment inaugural, il n'y a ni un dieu créateur, ni, comme on dirait aujourd'hui, un Big Bang. Les atomes existent de toute éternité, et ce sont leurs combinaisons qui sont transitoires. Ce que Montaigne appellera la branloire pérenne. Mais le monde, lui, est infini, il n'a ni commencement ni fin. Donc vous voyez que c'est impensable pour un chrétien. L'âme n'est pas immortelle. Elle disparaît à la mort. Elle s'évanouit comme s'évanouit un parfum, dit Lucrèce. Ce qui permet la liberté, le libre arbitre. Parce que rien n'est déterminé. Il n'y a pas de providence. Vous voyez, pas de créateur, pas de providence. Un monde composé de matière, les atomes. Pas de vie après la mort. Pas d'âme immortelle. Autant d'impossibilités pour le christianisme. Et Lucrèce écrivait aussi « La mort n'est rien pour nous ». Qu'est-ce que ça signifiait ? La mort n'est rien puisque après il n'y a rien. Il y a une recomposition des atomes selon le processus permanent, récurrent, de décomposition, restructuration, création, destruction. Rien ne naît, rien ne meurt, tout devient. Donc nous n'avons pas à redouter la mort, puisqu'elle n'est rien que la décomposition d'une structuration provisoire de nos atomes. Et c'est du reste la raison pour laquelle je fais un saut dans le temps. Dans un roman trop peu lu aujourd'hui, à mon avis, « Les dieux ont soif » d'Anatole France, le héros, pendant la Révolution, monte à la guillotine, j'allais dire au bûcher, monte à la guillotine en lisant Lucrèce. Lucrèce est aussi un outil très puissant pour lutter contre le fanatisme, la superstition, la peur. Oui, parce qu'aux yeux de Lucrèce, les religions ne sont que le produit de nos peurs. Un des ennemis de Lucrèce, c'est la peur, l'illusion. C'est la peur et l'illusion qui nous font redouter la mort et l'après-mort. Et les religions sont autant de manœuvres défensives naïve, puérile, pour nous protéger de cette peur. Je répète, Lucrèce n'est pas athée, il croit à l'existence des dieux, mais il est anti-religieux. La piété, ce n'est pas se montrer à tout instant la tête voilée devant une pierre, ce n'est pas s'approcher de tous les autels, ce n'est pas se prosterner sur le sol, la paume ouverte en face des statues divines. Et dans le discrédit qui a été posé sur Lucrèce et sur l'épicurisme dont il est un des héritiers, il y a aussi toute une condamnation de leur conception des plaisirs et du rapport à la douleur. Une raison supplémentaire pour le christianisme de se défier et de combattre à l'occasion l'épicurisme, c'est la valorisation par Lucrèce du plaisir. Le christianisme a plutôt tendance, en tout cas c'est une forte inclination qu'il a, à valoriser la douleur. Et il y a un dolorisme chrétien. Or, pour Lucrèce, il est non seulement légitime, mais souhaitable de rechercher le plaisir. Pas le plaisir du luxe, pas le plaisir abusif, pas le plaisir du troupeau d'Épicure, des pourceaux d'Épicure, mais le plaisir mesuré, rationnel, rationalisé, qui est au fond la seule raison que nous ayons de vivre heureux dans ce monde provisoire. Et quelle était la légende qu'avait fait circuler par exemple Saint Jérôme ? Saint Jérôme a commencé par être fasciné, comment ne pas l'être, par le De Natura Rerum. Et à mesure que sa foi chrétienne s'affermissait, il s'est détaché par volontarisme de Lucrèce, et l'a carrément rejeté, repoussé, et considéré comme un auteur à proscrire. Contradiction intime qui a dû, j'espère, le faire souffrir. Je crois que ça l'a fait souffrir, parce que Quand vous évoquez ce volontarisme, il y a en effet des lettres qui témoignent de son effort pour s'interdire le plaisir de la lecture des auteurs antiques. La tradition dominante veut qu'il ait considéré, pour se débarrasser de cet auteur qu'il admirait mais qui l'embarrassait dans sa foi, qu'il ait considéré qu'il écrivait dans des moments de folie. En gros, l'idée dominante, c'est que Lucrèce était un peu fou. La preuve et la conséquence à la fois de cette folie, c'est le suicide. Ce qui disqualifiait complètement, ou aurait dû disqualifier complètement l'auteur. Alors, vous savez, il y a eu plusieurs manières pour le christianisme de s'accommoder des auteurs anciens. Il y en a qui étaient plus récupérables que d'autres. Virgile, par exemple, a été très facilement récupéré. Ovide a été, au Moyen-Âge, moralisé, comme on dit. C'étaient des auteurs païens, mais après tout, ils vivaient avant le Christ, donc ils ne pouvaient pas être chrétiens, donc on pouvait leur pardonner et s'accommoder de leurs pensées. Platon, même chose, et Aristote. Aristote a été christianisé, si je puis dire, par la scolastique. La scolastique, ça n'est rien d'autre, au fond, que l'aristotélisme revu et corrigé par le christianisme. Et Platon était, bien sûr, plus facilement récupérable et a été récupéré par un autre humaniste encore de la fin du Quattrocento, Marcille Ficin, autre admirateur de Lucrèce, admirateur, mais admirateur critique, qui ne pouvait pas supporter cet atomisme, ce matérialisme, puisqu'il avait, lui, Ficin, une attitude diamétralement opposée. Donc voilà une contradiction avec laquelle les humanistes, beaucoup d'humanistes de la Renaissance ont dû vivre, admirer profondément, s'imbiber de ces auteurs de l'Antiquité, et en même temps les tenir à distance, les considérer soit comme des hérétiques, soit comme des subversifs, soit, si on les récupère, comme des pré-chrétiens à qui on peut emprunter telle et telle chose, mais pas l'essentiel. La redécouverte du De Natura Rerum par Poggio Bracciolini en 1417 a livré un texte entier qui avait disparu depuis plus de 1000 ans, sauf quelques fragments qui étaient parvenus. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on a fréquemment à l'esprit quand on travaille sur ces époques, la Renaissance, ses relations avec l'Antiquité, avec le Moyen-Âge, l'idée de pans qui nous sont parvenus et puis de tout ce qui a disparu, a sombré dans l'oubli ? Ah oui, je pense qu'il est impossible de travailler sur la Renaissance en particulier sans être parfaitement conscient du fait que des pans entiers de l'Antiquité nous échappent. C'est une condition sine qua non pour comprendre la Renaissance. La Renaissance a redécouvert une partie de l'Antiquité, sans se mettre d'ailleurs à la place des anciens, sans recontextualiser, comme on dirait aujourd'hui, sans peut-être avoir l'esprit critique que nous avons, nous, développé depuis. Mais aujourd'hui, on ne peut pas rester indifférent au fait que nous ne connaissons que 10%, même pas 8% des tragédies grecques. On ne peut pas rester indifférent au fait que des historiens de l'Antiquité ont disparu entièrement et qu'il est douteux qu'on les retrouve jamais. Il faut travailler avec ce manque, avec ce vide. Mais au fond, c'est la situation du paléontologue qui redécouvre un bout de squelette et qui, avec ce bout de squelette, doit reconstruire la bête entière. Ce travail avec des creux est justement ce qui rend l'étude historique de la Renaissance si passionnante. Il faut travailler avec du vide. Et le vide lui-même fait sens, comme en musique. Les bibliothèques n'ont pas fini d'être explorées. Et l'histoire continue de s'écrire et de bouger grâce aux découvertes de chercheurs comme Jacques Dallarin, historien médiéviste et ancien directeur de recherche au CNRS, qui continue de sillonner l'Italie et la France en quête de ces îlots immergés du passé. Si vous voulez, il y a deux catégories d'historiens. Il y a ceux qui jouent à guichet fermé. Ils ont leur corpus et puis ils l'arrangent, ils leur disposent, ils donnent des interprétations nouvelles. C'est bien, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et puis il y a les autres. Il y a ceux qui vont à la chasse. Quand j'ai découvert une fois, c'était à Rimini, en Romagne, et j'étais depuis 2 ans sur la piste du recueil de miracles d'un saint chanoine totalement inconnu. Donc je rôdais autour de cette vie, j'allais d'un presbytère à l'autre, on m'a dit qu'il était dans un presbytère, donc j'allais frapper à la porte des presbytères. Et puis finalement, un jour, je l'ai trouvé. Et là, je me suis retrouvé dans la rue, on est un petit peu sonné. Donc je venais rapidement de prendre des notes, et puis après j'ai édité l'ensemble de ce texte. Je me suis retrouvé dans la rue, et mon réflexe, c'est un peu bizarre, ça a été d'aboyer, vous voyez. On est des chiens de chasse. Alors bon, il y a ceux qui bougent moins, ou qui bougent pour aller au colloque, et puis il y a les autres, il y a ceux qui vont dans les bibliothèques. Et là, il y a énormément à découvrir. Vous avez des fonds, je sais pas, le fond de la bibliothèque de Naples, par exemple. Il est à peine catalogué. Mais dans des grandes bibliothèques, y compris la Bibliothèque nationale de France, y compris la Vaticane, vous avez des séries entières pour lesquelles on a non pas des notices de catalogue, mais un simple inventaire, où vous allez avoir Augustin, les confessions, parchemin, 14e siècle. Mais avant, après, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est le même texte? Vous voyez? Donc, une autre ressource, par exemple, les érudits de la période moderne ont copié énormément de textes antiques et médiévaux. Et on ne va pas forcément avoir l'idée d'aller chercher dans un manuscrit du 18e un texte du 12e. Pourtant, ça m'a réussi un certain nombre de fois. Ma toute première découverte, c'était la fin de la vie, cette fin était inédite, d'un personnage assez truculent, Robert d'Arbrissel, qui a fondé l'abbaye de Fontevraud. C'était un ordre mixte, un ordre religieux mixte d'hommes et de femmes, mais dont il a confié la direction une abbesse. On est entre 1100 et 1116, bon, c'est tout de même pas mal. Il manquait toute la fin de sa vie, là où ça chauffe. Je l'ai retrouvé au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Si on utilise intelligemment les nouvelles technologies, j'ai bon espoir qu'on va décupler nos possibilités de recherche. Mais ça passe d'abord par des opérations. La première opération, c'est celle du catalogage. Il faut cataloguer. Et ensuite, il faut mettre en relation, il faut lire les catalogues. Donc il faut être à l'affût, il faut avoir des pistes. Et puis il faut être aussi ouvert à ce qu'on n'avait pas prévu. Jacques Dallarin, vous êtes à l'origine d'une redécouverte d'une vie de François d'Assise. Comment un historien du XXe siècle se met-il sur la piste d'un manuscrit médiéval et comment avez-vous fait pour le retrouver? Bon, d'abord, il faut dire que retrouver des manuscrits perdus, découvrir des inédits, c'est une des plus grandes joies du métier. Ce sont des moments d'adrénaline assez forts, disons. On a l'impression d'apporter vraiment du neuf par rapport aux élucubrations qu'on peut faire par ailleurs. Ce manuscrit-là, enfin ce texte-là, je tournais autour depuis longtemps. C'est-à-dire, j'avais présupposé son existence à partir de fragments que j'avais recousus. Et il y a, en 2007, j'avais publié un livre pour, par triangulation, expliquer que dans la série, l'énorme collection des biographies de François, il en manquait une, et une très précoce, donc une qui était vraiment proche de l'existence même de François. J'avais proposé cette vie dont je n'avais que des morceaux, hein, 6 manuscrits, 6 fragments, donc que j'avais tenté de recoudre ensemble. J'avais proposé de l'attribuer à Thomas de Celano, le tout premier hagiographe de François, celui qui a écrit sa première biographie. Et j'avais proposé de la dater un petit peu après la première biographie, mais dans les années 1230. Donc j'avais 6 petits bouts de texte, mais qui ne me donnaient pas l'existence complète de François de la naissance à la mort. Il y avait des trous. Il y avait ces dernières années, beaucoup de miracles, mais il manquait toute sa jeunesse. Donc voilà, j'avais l'impression qu'il y avait un texte dont je ne cernais pas bien les contours, dont j'avais juste des particules émergées, mais j'avais vraiment le sentiment qu'il était une étape indispensable dans la chaîne de transmission des biographies de François. Et j'avais l'impression que dans le puzzle, il manquait une pièce. Quand vous êtes en train de construire un puzzle et qu'il manque une pièce, au bout d'un moment, vous en rendez compte. Bon, moi, ça faisait une vingtaine d'années que j'explorais cette question franciscaine et je tournais autour de ce vide. Mes petits bouts, mes petits fragments m'avaient permis de reconstituer ce que j'ai découvert ensuite être 40% du texte complet. Mais il m'en manquait 60%. Voilà, donc j'avais posé cette petite pierre d'attente. Et puis, bah, l'histoire aurait pu se terminer là, sauf qu'un beau jour de septembre 2014, si ma mémoire est bonne, j'ai un ami qui, des États-Unis, Sean Field, l'université du Vermont aux États-Unis, qui m'écrit et qui me dit « Jacques, suis ce lien, il y a un manuscrit au bout, il est pour toi ». Donc évidemment, je me précipite. Et là, je vois en vente sur un site un manuscrit avec une description et quelques reproductions. Et le texte majeur de ce manuscrit était signalé par la catalogueuse comme « Une vie de Saint-François ». Et la catalogueuse, qui avait très bien fait son travail, disait « Ne serait-ce pas la vie dont Jacques Dallarin avait présumé l'existence ?» Bon, voilà. Donc là, c'est un moment où, d'abord, c'est pas le plaisir qui prime, c'est la terreur. On se dit, mais c'est pas possible. J'ai regardé le manuscrit, je me dis, j'arriverai pas à le lire. C'est un manuscrit minuscule, pas très bien écrit. C'est un manuscrit qui fait 8 sur 12, donc c'est moins qu'un iPhone, si vous voulez. C'est tout petit, il y a jusqu'à 49 lignes par page, donc c'est des caractères qui sont en dessous du demi-millimètre. J'étais pas très sûr de ma vue et je me suis dit je n'y arrivais pas. Donc il y a un moment où on est suffoqué par la découverte. Ensuite j'ai eu un immense élan de gratitude pour Sean Field parce que c'est un historien de très très haute volée. Il aurait très bien pu publier ce texte. Et c'est lui qui l'a d'une certaine manière découvert en feuilletant ce catalogue électronique sur Internet. Et puis oui, après, j'ai un grand moment de joie, quoi, c'est évident. Ma terreur, ça a été qu'il soit acheté, qu'il retourne dans une collection privée. Ce qui veut dire que non seulement moi, mais peu importe à la limite, mais personne n'aurait pu l'exploiter. Donc ça aurait été vraiment un bon hors de l'eau et puis recoule à pic. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé une très chère amie qui est directrice du département des manuscrits à la Bibliothèque nationale de France et je lui ai dit, voilà, il y a un manuscrit en vente qui a une réelle valeur, non pas du tout par sa décoration ou quoi que ce soit, mais par son contenu textuel. Je pense que la Bibliothèque nationale de France devrait l'acheter et très vite le mettre en ligne pour que tout le monde puisse en profiter. Donc c'est ce qui a été fait, le manuscrit a été acheté par la BNF et il a été acheté en janvier 2015 et en juillet 2015 il était en ligne. Donc c'est pas une affaire de posséder un trésor, c'est au contraire un achat qui a été fait pour que ce trésor soit vraiment mis à la disposition de tout le monde. Et alors, dans ce manuscrit, Jacques Dallarin, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Alors, bon, moi, je me suis précipité sur la vie de François, dont j'avais présagé l'existence 7 ou 8 ans auparavant. Je l'ai entièrement transcrite, non sans mal, mais je l'ai entièrement transcrite, j'ai publié ma transcription, et je l'ai traduite, ça a été traduit ensuite en une dizaine de langues, parce que François, c'est tout de même un personnage à dimension universelle. Cette vie de François d'Assise, ça n'est que le 8e du contenu du manuscrit. Donc il y a 7 autres 8e, l'immense majorité du texte, qui n'étaient pas du tout explorés. Et là, on a constitué une équipe et on est en train de comprendre l'ensemble du continent dont moi je n'avais vu que la partie émergée avec cette vie que je guettais, si vous voulez. Mais le reste, je ne le guettais pas. Le reste, c'était vraiment l'imprévu. Et au fil du déchiffrement, bah, je suis tombé sur des épisodes neufs et très colorés, très, très vivants. Pour prendre un exemple parmi beaucoup d'autres, un passage, un détour du texte, on nous dit que François était habillé comme les pauvres et que quand sa tunique avait des trous, il ne la rapiéçait pas avec du tissu ou il ne la recousait pas avec du fil, mais il la complétait avec des écorces d'arbres ou des feuilles de végétaux. Donc, on savait que François allait loin dans l'absolue pauvreté, mais tout à coup, l'idée de ce personnage qui arrive prêcher sur la place d'une grande ville, à Bologne ou ailleurs, et qui a l'air d'un homme des bois, enfin, couvert de végétaux, d'écorces et de feuilles. C'est trois lignes, mais c'est sidérant comme vision. Comment concevoir la tragédie grecque sans les coéphores d'Eschyle, sans les suppliantes d'Euripide? Comment concevoir la poésie latine sans les œuvres de Lucrèce, de Catulle, de Tibulle? Comment concevoir l'histoire dans l'Antiquité sans Polybe, sans Tite-Live, sans Tacite? Comment concevoir la pensée morale et philosophique sans Épictète, sans Sénèque, sans Marc Aurèle? Or, à propos de toutes ces grandes œuvres, nous pouvons dire et répéter à chaque fois « manuscrit unique ». Jacques Delarin, vous m'avez fait part d'un article de l'historien Jean Stengers, un historien belge, qui menait une réflexion sur le manuscrit unique et la notion de hasard en histoire. Il explique magnifiquement dans cet article qu'un certain nombre des œuvres qu'on considère comme faisant partie du patrimoine essentiel de l'humanité, ou nous donnant sur le passé des connaissances absolument irremplaçables, à certains moments de leur histoire et pendant plusieurs siècles, n'ont été conservés que par ce que l'on appelle nous un unique témoin. Un témoin, c'est le manuscrit qui témoigne d'une œuvre. Autrement dit, qu'à peu de choses près, qu'à un fil près, on aurait très bien pu perdre cette œuvre-là. Et c'est toute l'histoire ancienne, mais aussi très récente, qui aurait été bouleversée par ces disparitions. Et quand on lit la liste des œuvres données par Stengers, on est tout de même un petit peu choqué. Et en fait, il y a beaucoup d'autres œuvres qui ont disparu parce qu'elles n'ont tenu qu'à un manuscrit unique qui, lui, n'a pas survécu. Donc, on a de notre passé une vision complètement parcellaire. Voilà, ça c'est la donne. Cette conservation étant aléatoire, les reconstructions qu'on fait du passé sont elles-mêmes aléatoires, puisqu'on essaie de faire du continu à partir du discontinu documentaire. Or, l'historien essaie de produire un discours continu pour expliquer la marche de l'histoire. Mais en fait, c'est comme s'il traversait un ruisseau, il a une pierre de temps en temps. Et parfois, elle est un peu branlante. Ces livres absents, est-ce qu'ils occupent quand même une grande place ? Ils occupent une grande place romanesque, parce que le thème du manuscrit perdu est un thème romanesque extraordinaire. Et dès qu'on en parle, on a envie d'écrire un roman, c'est évident. Écrire un roman à partir de cette Atlantide, c'est ce qu'a fait le sémiologue Umberto Eco dans Le nom de la rose. Son premier roman, adapté au cinéma par Jean-Jacques Hano, est devenu un succès mondial. Quel est le mobile du crime ? Et peut-on arrêter l'esprit qui court au travers des livres ? Mes paroles ne vous ont pas offensé, frère Guillaume. Et j'ai entendu rire et j'ai rappelé un des principes de notre règle. Certes, vous, franciscains, vous venez d'un ordre où la gaieté la plus inopportune est vue avec indulgence. Oui, c'est vrai. Saint-François, parfois, ne répugnait pas à rire. Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe. Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme. Comme le péché. Le Christ n'a jamais ri. En sommes-nous si sûrs ? Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur ait ri. Rien dans les Écritures n'établit que notre Seigneur n'ait pas ri. On sait que les saints eux-mêmes usaient de la comédie pour ridiculiser les ennemis de la foi. Aristote a consacré son second tome de la poétique à la comédie. Et il en fait un instrument de vérité. Vous avez lu cet ouvrage ? Non, bien sûr que non. Ce manuscrit a été perdu il y a des siècles. Non, c'est une erreur. Il n'a jamais été écrit. Parce que la Providence ne tolère pas que l'on glorifie des futilités. Non, là, je ne suis absolument pas d'accord. Assez ! Parlano sempre di altri libri. Et ogni storia racconta una storia già raccontata. Lo sapeva Omero, sapeva Ariosto, per non dire di Rabelais e di Cervantes. Voilà, le livre parle toujours d'autres livres. Et que toute histoire raconte une histoire qui a été déjà racontée. Homère le savait, Ariosto le savait aussi, pour ne pas dire de Rabelais et de Cervantes. Et c'est pour ça que mon histoire ne pouvait que commencer par un manuscrit retrouvé, et aussi, c'était une citation, évidemment. Paolo Fabbri, vous êtes un sémiologue italien, et vous avez été aussi un très bon ami, très cher ami de Umberto Eco. Pourquoi est-ce que vous commencez avec cette citation de Umberto Eco ? Parce que on dit toujours qu'Eco a utilisé énormément de matériaux littéraires pour son roman, ce qui est une évidence. Et c'est cette idée que la référence du livre Le nom de la rose est un autre manuscrit qui évidemment n'existe pas. Et en même temps, il a comme but de relever un autre livre qui n'existe pas, et qui est les livres d'Aristote sur les rires, naturellement. Et je pense que ce passage entre le Moyen-Âge du personnage fondamental qui raconte l'histoire, Azzo, et de l'autre côté la référence de la Grèce classique, qui est Aristote, ces deux livres qui n'existent pas sont les deux livres qui constituent finalement le livre lui-même. Cet endroit ne me plaît pas. Ah bon ? Je le trouve très stimulant, au contraire. L'histoire du nom de la rose, c'est l'histoire d'une enquête. Michel Perrin. Que fait Guillaume de Baskerville, le principal protagoniste ? Professeur émérite de littératures anciennes à l'université de Picardie. D'une enquête qui lui a été demandée par l'abbé d'un monastère bénédictin. Alors, il y a des meurtres dans l'abbaye, et le père abbé voudrait que ces meurtres soient élucidés rapidement. Alors à la fin, il retrouve, j'allais dire, l'assassin en chef, il découvre le motif pour lequel il a tué, et il découvre le livre qui est à la source de cette combinatoire compliquée, et la liaison entre l'assassin et ce livre, c'est que le livre contient un texte sur le rire, la comédie et le rire, d'Aristote, philosophe auquel les gens du Moyen-Âge donnent une très grande importance. Et le moine bibliothécaire, donc, ne veut pas que ce texte soit lu par les moines du monastère, ni par personne d'autre que lui. Et donc, pour dissimuler ce livre, il a choisi de mettre de l'arsenic sur les pages du livre en question, ce qui fait que le lecteur, en humectant les pages pour tourner les pages du livre, va s'empoisonner lui-même. Et pourquoi le bibliothécaire ne veut-il pas qu'on lise ce livre ? Il estime que le livre contient une doctrine, une théorie, si vous voulez, qui est dangereuse pour la religion et donc pour ce qu'il estime être la vérité. Je serais curieux de voir la bibliothèque. M'y autoriseriez-vous ? Non. Pourquoi ? C'est un ordre strict de l'abbé. Personne n'a la permission d'entrer dans la bibliothèque, à part moi-même et mon assistant. Le moine Jorg, précisément, voudrait que ces moines ne lisent que ce qui est conforme à la foi, comprendre à la foi chrétienne, et en plus comme lui la comprend. Et dans cette foi chrétienne, il y a quelque chose qui permet de sauter du topos du livre perdu au rire. C'est que dans la règle de Saint Benoît, il est dit que le moine ne doit pas rire, non ridere, il doit lugere, non ridere. Pleurer, mais pas rire. Et pourquoi ? Il faut savoir que dès l'Antiquité, il y a eu une réticence pour le gros rire, ce que les Latins appelaient cacinnus, le gros rire gras, vulgaire, grossier. Et en latin, on loue plutôt le dulce ridere, un rire tout doucement, sourire, ça oui. Alors, pourquoi cette réticence chez les chrétiens ? C'est qu'il y a eu une lecture des textes qui a été extrêmement littéraliste et qui a considéré que, puisque dans les évangiles, il est dit que le Christ pleure, notamment sur son ami Lazare quand il est mort et en attendant de le ressusciter, eh bien, on se rend bien compte que par moments, le Christ est heureux. Hein. Mais il n'est dit nulle part que le Christ a ri. Alors, une interprétation littéraliste du thème très fréquent depuis les débuts du christianisme, c'est le thème du Christum sequi, donc suivre le Christ. Et c'est ce que le moine prétend faire. Le rire, c'est aussi la moquerie. Le rire est contre les autorités. Si vous faites une comédie, c'est pour vous moquer de quelque chose, d'un travers. Et c'est Horace qui a dit « corrigere mores ridendo hein, »,« corriger les mœurs en faisant rire ». Le rire est forcément subversif. Quel est le pouvoir du livre qui apparaît à travers ce roman de Umberto Eco ? Ben, le pouvoir du livre apparaît très grand, bien sûr, parce que le livre contient une pensée, des idées qui peuvent être éventuellement ravageuses, qui peuvent détruire, qui peuvent enflammer le monde. Le rire et le livre sont-ils des remèdes à la peur ? Le rire s'oppose à la peur parce qu'il permet d'aller au-delà de la peur, et ce que craignent aussi les pouvoirs autoritaires. Et rire des autorités, c'est le petit garçon dans Andersen qui dit « mais le roi est nu ». Tous les courtisans s'extasient en disant « le roi il est absolument magnifique, il a un habit superbe, mais en réalité, il est nu ». Et le rire, c'est celui qui dit que le roi ou les autorités sont nus, c'est-à-dire qu'elles n'ont que le pouvoir que ceux qui s'y soumettent acceptent de leur donner. Vénérable frère, il y a beaucoup de livres qui traitent de la comédie. Pourquoi celui-ci vous inspire-t-il si grande peur ? Parce qu'il est Aristote. La question du rire est souvent confrontée à la question de la superstition et du fanatisme dans le livre de Umberto Eco. Oui, précisément, parce que la superstition et le fanatisme s'inscrivent dans un cadre qui est complètement fermé. Tandis que le rire, pas du tout. Le rire va en sens inverse, il va vers l'ouverture. J'ai parlé tout à l'heure de l'ironie, et vous avez en sens inverse le rire satanique du vieux bibliothécaire aveugle, Jorg, qui se trouve à l'extrême fin du roman, il lit en mangeant, en ingérant le livre. Le livre empoisonné. Qu'il a empoisonné. Et le livre que lui-même a empoisonné avec de l'arsenic. Le vieux bibliothécaire est quelqu'un qui est prêt à tuer pour absolument empêcher le rire de se propager. Oui, parce qu'il pense que ces assassinats, ce sont des assassinats, hein, faut quand même dire le mot, ces assassinats ne sont rien en comparaison du fait qu'ils ont leur mort aide à préserver la vérité. On aurait pu penser qu'un moyen dans l'esprit de Jorg de préserver la vérité, plus simple et plus rapide, ce serait de mettre le feu au livre. Et je pense que c'est son côté de bibliothécaire qui a fait qu'il ne s'est pas livré à ce genre d'autodafé. Un bibliothécaire, en principe, ça aime les livres, c'est fait pour les sauvegarder. Il était peut-être un peu fasciné, lui aussi, par le contenu de ce livre. Pas très certainement. En tout cas, il a aimé d'une manière telle sa propre vérité que lui aussi en est mort. Et lui aussi se suicide, si vous voulez, en mangeant le livre, comme le livre dans l'Apocalypse est mangé lui aussi. Mais qu'y a-t-il de si inquiétant dans le rire ? Le rire tue la peur, et sans la peur, il n'est pas de foi. Car sans la peur du diable, il n'y a plus besoin de Dieu. Eco a beaucoup réfléchi sur cette question de l'intolérance idéologique et de la nécessité de se libérer de ce qu'il appelait, avec Rabelais, les angélastes. C'est les gens qui ne savent pas rire. Eco aurait voulu écrire, lui, un grand livre sur les comiques. Et il a commencé plusieurs fois, il a travaillé sur le rire au Moyen-Âge, mais ce livre n'a pas existé, et justement comme le livre d'Aristote. Dans le monastère, dans la bibliothèque du monastère, qui est dans le nom de la Rose, le second volume de la Poétique d'Aristote existe. Il est caché dans le monastère. Évidemment, oui. Donc il n'est pas encore perdu. Non, en effet, pour le lecteur, il n'est pas perdu. Mais on pourrait imaginer qu'on pourra un jour le retrouver. C'était À la poursuite des livres manquants, profession chasseur de livres. avec Nicolas Ducimetière, vice-directeur de la Fondation Martin Bodmer, Jacques Dallarin, historien médiéviste, directeur de recherche émérite au CNRS, Paolo Fabri, sémiologue, Yves Versant, directeur de recherche émérite de l'EHESS, spécialiste de la Renaissance, Michel Perrin, professeur émérite de littératures anciennes à l'Université de Picardie. Les extraits de textes ont été lus par Thierry Beauchamp. Extrait de film, Le nom de la rose, de Jean-Jacques Hanau. Prise de son, Thibaut Nassimben, Laurent Lucas, Adrien Gaza. Mixage, Manuel Couturier. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Anna Smuk. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter à la bibliothèque, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, un dernier Foucault et la chair passa aux aveux. Et n'oubliez pas les autres rendez-vous impeccables documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, Création en air, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.